Chapitre 5e. Le chevalier du Puget. Guillaume s'apprêtait à commencer son récit. Triste, le front dans sa main, on eût dit qu'il craignait de fouiller dans ses souvenirs. La lune frappait d'aplomb son doux et pâle visage, et sa respiration haletante se mêlait au sourd gémissement des cyprès. Il était beau, le gentilhomme, de cette beauté qui fait sourire le peintre et rêver le poète. Ses traits étaient brunis légèrement par le soleil d'Italie. Son œil noir, ardent parfois, avait habituellement une expression de tristesse qui allait à l'âme. Son élégance naturelle et son noble port semblaient à leur tour être empreints de cette mélancolie rêveuse et pleine de charme qui faisait le fond de son caractère. Le père Anselme, respectant son silence, le considérait avec intérêt, quand le chevalier, se rappelant sans doute que sa confidence était attendue, changea d'attitude, passa plusieurs fois sa main agitée dans les boucles de ses cheveux et commença son récit. J'ai vu le jour dans les murs de Marseille. Mon père, Jean de Mantoue, avait épousé secrètement en 1500 Odile du Puget, se proposant de faire un jour agréer cette union à leur famille divisée. Une année s'était à peine écoulée depuis leur mariage, quand mon père partit pour la guerre. Peu de temps après, je vins au monde. Ma mère jouissait depuis quelques mois seulement du bonheur d'avoir un fils, lorsqu'elle reçut la terrible nouvelle de la mort de mon père. Accablée de douleur et de crainte, tremblant surtout pour moi si son mariage était découvert, elle quitta sa demeure et résolut de changer de nom. Elle n'avait que peu de fortune du côté de sa famille. La succession de mon père avait été recueillie par mon oncle Bertrand de Mantoue, qui, ayant assisté celui-ci dans ses derniers moments, et seul connaissant son secret, s'était bien promis d'écarter sans pitié l'orphelin et la veuve de son frère s'ils osaient se présenter pour revendiquer leurs biens. Ma mère, qui prévit le sort qui l'attendait, ne négligea rien pour faire perdre jusqu'à la trace de ses pas, laissant à Dieu le soin de mon avenir. Je grandis donc auprès d'elle. Elle m'enseigna les éléments des sciences et fut fière de mes progrès. Elle était toujours profondément triste, que deux fois je l'avais surprise fondant en larmes. Alors une oppression douloureuse me serrait le cœur, et je ne savais plus que me jeter dans ses bras et pleurer avec elle. Un soir qu'elle était venue au bord de la mer, et qu'assis à ses côtés, j'écoutais avec une attention religieuse le récit qu'elle me faisait des exploits de mon père, tout en me cachant son nom. Nous fûmes entourés par quelques jeunes gens de mon âge, qui, après avoir follement parcouru les grèves de la Joliette, vinrent s'ébattre autour de nous. Un d'eux, plus hardi que les autres, me saisit par le bras, voulut m'attirer à lui et me forcer à partager ses jeux. À peine ma mère l'eut-elle aperçu qu'elle se leva pâle, égarée, et m'entraîna toute tremblante. En rentrant chez elle, la fièvre la força de s'aliter. Déjà de profonds ennuis avaient usé son existence, aussi en quelques jours le mal fit-il des progrès terribles. Elle se reprocha alors, mais hélas, trop tard, de n'avoir pas su surmonter ses craintes et ses regrets, et d'avoir abrégé des jours qui m'appartenaient tout entier. Effrayée de me laisser seule au monde, entourée d'ennemis alors que je n'avais pas 15 ans, elle demanda au ciel un protecteur pour mon adolescence. Monseigneur Claude Seyssel était en ce moment évêque de Marseille. Ma mère lui fit dire qu'une veuve agonisante désirait le voir avant de mourir. Le pontife se rendit à l'instant auprès de son lit de douleur. Ma mère l'entretint longtemps. Elle lui raconta ses malheurs, remit entre ses mains les débris de sa fortune et lui confia son enfant. Claude Seyssel, pénétré d'un sentiment de respect et de pitié, promit à ma mère mourante de remplir tous ses désirs. Heureuse de m'avoir donné un soutien, la noble femme me fit ses dernières recommandations. Elle m'ordonna de regarder désormais comme mon seul protecteur celui qui était auprès de moi et me fit jurer de lui obéir en toutes choses. Puis, pendant que, muet de désespoir, j'étais prosterné tout près de son chevet, elle appela sur ma tête les bénédictions du ciel et expira. Ici la voix de Guillaume éclata tout à coup en sanglots déchirants, et des larmes brûlantes roulèrent sur ses longs cils. Le vénérable prieur lui-même sentit les atteintes de cette douleur si pieuse et si vraie. Le jeune homme, après avoir donné pendant quelques instants un libre cours à ses pleurs, reprit en ces termes: Claude Seyssel fut un père pour moi. Sous sa direction, je repris mes études et l'application que j'ai mise apporta du soulagement à ma douleur. Ces jours de calme ne durèrent pas longtemps. Mon bienfaiteur fut appelé à l'archevêché de Turin. Malgré le vif chagrin que je ressentais de quitter Marseille qui m'avait vu naître, malgré le déchirement que j'éprouvais surtout à l'idée de me séparer du tombeau de ma mère, je n'hésitais pas à le suivre. À mon arrivée en Italie, l'archevêque me fit ajouter le nom de Dupuget au nom de Guillaume que j'avais porté seul jusqu'alors. Quand j'eus atteint ma 21e année, Claude Cessel me fit appeler auprès de lui. Il me dit que l'heure était venue de choisir une carrière, et que n'ayant pas de fortune, celle des armes était la seule qui pût me convenir. Sa volonté était formelle, j'obéis. Que de pleurs je versais en quittant le vénérable protecteur de mon adolescence. Les Français combattaient alors en Italie. Je me rendis au camp. C'était vers le Chevalier sans peur et sans reproche qu'on m'envoyait. Je fis sous les ordres de Bayard mes premières armes. J'étais à la bataille de Biagras qui fut si fatale à la France par la mort de ce héros. Quelque temps après, je fus fait chevalier. Le jour même où, dans une mêlée sanglante, je fus assez heureux pour arracher Vincenzo à une mort certaine. Depuis ce moment, Thibault fut de moitié dans mon existence. Nous combattions ensemble, toujours à côté l'un de l'autre. Je ne revins à Turin avec mon ami que lorsque Charles de Bourbon, en menaçant d'envahir la France, changea les projets de François Ier. L'archevêque, heureux des changements qui s'étaient opérés dans ma personne, me reçut avec tendresse. Depuis 2 mois, j'étais auprès de lui quand il m'annonça que je devais tout préparer pour un important voyage. Il m'instruisit alors de mon véritable nom, me remit tous les papiers de ma famille et m'ordonna de la part de ma mère de venir à Marseille réclamer la fortune qui m'avait été soustraite par mon oncle paternel. Je souffrais à l'idée de me séparer de Vincenzo. Celui-ci, ne comprenant rien à ce brusque départ, ne se permit néanmoins aucune question. Mais le soir, lorsque plein de tristesse, j'allais lui donner le baiser d'adieu, j'appris de lui qu'il allait être mon compagnon de route. Ce fut avec une émotion indéfinissable que je revis les lieux où s'était écoulée mon enfance, que je m'agenouillais sur le marbre qui couvrait les cendres de ma mère. Après quelques jours donnés à mes souvenirs, je m'informai de Bertrand de Mantoue. J'appris qu'il était mort en proie à des regrets déchirants, et qu'il avait ordonné à son fils Charles de Mantoue de rendre la fortune qu'il ne lui laissait qu'en dépôt, s'il retrouvait un jour son maître légitime. Il me coûtait extrêmement de dépouiller mon cousin. Si la volonté de ma mère eût été moins précise, il me semble que j'aurais sans peine renoncé à mes biens. Claude Cessel m'avait recommandé au gouverneur de Marseille, prévoyant que son secours pourrait m'être nécessaire. Vous savez, mon père, avec quelle bienveillance il me reçut et l'amitié qu'il me témoigna. Un jour, pendant que j'étais auprès de lui, on annonça Charles de Mantoue. À ce nom, un frisson glacial me saisit. Je me levai et me disposai à sortir pour cacher mon trouble quand je me trouvai face à face avec le détenteur de ma fortune. Quel ne fut pas mon étonnement, ma stupeur, en reconnaissant dans celui qui s'avançait le jeune homme qui, 10 ans auparavant, avait tant épouvanté ma mère et, pour ainsi dire, causé sa mort. Un profond sentiment de haine, que je ne connaissais point encore, s'empara de mon cœur et le bouleversa tout entier. Menaçant et terrible, je fis 2 pas en avant pour lui demander compte de la vie d'Odile Dupuget et de la fortune de Jean de Mantoue. Un ange m'arrêta. C'était la dame de Glandeves qui, sans doute effrayée de la sourde colère que trahissait mon visage, me regardait suppliante. Cette vue me rendit à moi-même. J'eus honte de mon emportement. De son côté, Charles, en me voyant venir à lui, avait attaché sur moi son regard hautain. Je sentis alors la sueur me venir au front. Il me semblait entendre encore le cri qu'avait poussé ma mère en m'entraînant. Le souvenir qu'avant de mourir elle avait pardonné me revint à l'esprit. Je jurai de faire comme elle. Alors je m'inclinai devant la jeune fille qui m'avait rappelé à mon devoir. Je balbutiai quelques excuses au viguier stupéfait et je sortis rapidement. Hélas, mon père, j'emportais un trait qui s'était enfoncé bien avant dans mon cœur. C'était le dernier regard d'Améliane. Depuis, je fus saisi d'une tristesse immense. Tantôt, je formais le projet de réclamer moi-même ma fortune, tantôt celui de traîner Charles devant les tribunaux. Je sentais vaguement que ce n'était plus la justice qui dirigeait mes démarches, mais la vengeance, la haine, la jalousie peut-être. ne prétend-il pas la main de la fille du gouverneur? J'eus peur de moi. Dès cet instant, mon père, je m'abandonnais plus que jamais à une pensée qui, bien souvent, à mes heures de souffrance, a germé dans mon âme. Je résolus d'en finir avec le monde. Aujourd'hui surtout, sentant vaciller mon courage à la vue de mon ennemi, recueillant la gloire que je viens d'acquérir, je me suis réfugié près de vous, dans ces murs qui sauvent des tempêtes, espérant y échanger bientôt contre le froc ma parure de gentilhomme. Quand Guillaume se tut, l'heure était avancée et des milliers d'étoiles scintillaient dans les cieux. Le prieur se leva, le pressa sur son cœur, et lui montra la lune qui montait lentement à l'horizon. « Mon fils, lui dit-il, voici l'heure de la prière. Mieux que mes paroles, elle calmera les douloureuses agitations de votre âme. Quand la paix y sera descendue, nous examinerons ensemble si vous devez à tout jamais vous fixer dans ces murs. » Il dit, le chevalier suivit le religieux en silence, et bientôt ses accents unis aux graves voix des moines se perdirent sous les voûtes saintes.